je me disais bien que je pouvais être dans ce coup-là. Il n'est pas passé au vert. Ouais, c'est pas tout dur encore. Ah merde.